C'est la chronique des Saguenay-de-Chicoutimi avec notre ami Sébastien Morin, descripteur des matchs des Sacs. Salut Sébastien. Salut! Sébastien, évidemment, ce qui retient l'attention, c'est cette transaction avec les Vultures de Drummondville. On va chercher un marqueur, et un marqueur, c'est important parce que les Saguenay ne généraient pas beaucoup d'attaques dernièrement, là. Oui, c'était difficile du côté de l'attaque. Et au-delà de ses talents de marqueur, c'est un gars de caractère, un genre de joueur que les partisans vont adorer. Je l'ai dit dans mes trois matchs qu'on a disputés contre les Voltigeurs depuis le début de la saison. Un à Drummond, puis les deux défaites en fin de semaine dernière ici au Centre Georges Vézina. Joey Ratel, c'est un joueur que tu veux pas jouer contre, mais que tu veux absolument avoir dans ton équipe. C'est un gars qui dérange, c'est un gars qui frappe, c'est un gars qui chiffre après chiffre sa patinoire, donne son 110%, son maximum. Il va se défoncer pour le club, puis il veut absolument gagner une Coupe du Président avant de quitter le hockey junior. C'est sa dernière saison, c'est un joueur de 20 ans. Puis le prix payé, tu sais, j'adore Ryan Verbeek, mais bon, l'expérience a plus ou moins bien fonctionné dans les derniers matchs du côté de l'attaque. Et Nicolas Gay, bon, c'est un espoir à long terme. Décidé d'aller jouer du côté de l'Autriche, je faisais plus ou moins partie des plans des Sags. Donc, puis un choix de repêchage qui est facilement récupérable dans une autre genre de transaction, quoi que ce soit. Yannick Jean est un maître dans ce cas-là. Donc, il n'y a pas de joueur vraiment d'impact qui quitte les Sags, peut-être à part Ryan Verbeek, mais on le remplace par un joueur qui va produire un peu plus à l'attaque et peut-être être capable de plus supporter Nicolas Roy sur un premier trio. Quand il va être de retour avec une médaille d'or au cou d'équipe Canada Junior. Oui, effectivement. Puis je vais te dire une affaire, c'est quand même. Il semble heureux, hein? J'ai vu la chronique de Dave Hensley hier dans le quotidien. D'ailleurs, on va essayer de l'avoir demain en entrevue. Mais il semble heureux de s'en aligner à Chicoutimi, hein? Ben vraiment, lui, il s'en y attendait pas, surtout qu'il a joué les deux matchs ici à Chicoutimi, puis tu sais qu'il a bien fait en plus pour les Voltigeurs. Première étoile dans le deuxième match samedi. Non, les Sags ont peut-être pas encore une fois le début de saison escompté, mais si tu regardes froidement, là, entre autres ce qui a été fait dans le mois de novembre, en pleine possession de leurs moyens, une seule défaite en temps réglementaire pendant tout le mois, tu sais, c'est des beaux moments, puis c'est des choses qui peuvent se transporter, je dirais, après les fêtes avec les ajouts et tout ça. Quand il a vu peut-être la transaction avec les Sags, il s'est peut-être posé la question, ouais, mais je m'en vais peut-être pas dans un club de pointe. Mais bon, il a expliqué qu'effectivement, peut-être avec certaines choses qui s'en viennent, qui sont pas annoncées encore, on va peut-être le devenir avant très longtemps une équipe de pointe, puis une équipe qui sera à surveiller après les fêtes. Les Sags vont compétitionner maintenant avec les Huskies de Rouyn-Noranda, avec les Sea Dogs de Saint-John et peut-être les autres qui vont se joindre à la danse. L'Armada de Blainville-Boisbriand qui a acquéri, semble-t-il, Pierre-Luc Dubois. Là aussi, avant le début de la période des transactions, mais dans le cas de Dubois, bon, il y avait plus de dommages à faire. Il savait en quittant Cap-Breton pour Boisbriand, justement, pour le camp d'équipe Canada Junior, qu'il ne reviendrait pas dans les Maritimes. À part avec une autre équipe pour aller jouer des matchs là-bas, donc. Les retours n'ont pas été annoncés encore du côté de Boisbriand. Je pense que ça s'est quand même bien fait, là. On fait une tempête dans un verre d'eau là avec les médias, puis les transactions qui ont été annoncées d'avance. Mais bon, en 2016, l'information voyage très vite. Les médias sociaux, mais tu sais, Danny, tu fais de la radio Internet, mais il y a des gens aussi qui, sur leur compte Twitter, ou Facebook soulève des débats, soulève des idées, tout ça. Et des fois, on révèle des informations. Il y a des partisans, entre autres, il y en a un qui s'appelle Martin Lahaie sur Twitter, qui révèle des transactions qui arrivent présentement ou qui vont arriver dans la LHJMQ. Donc, même les partisans deviennent aussi des informateurs de ce côté-là. Puis c'est des fois les familles de pension, des amis de la famille, des amis des agents. Il y a diverses façons d'entretenir l'information maintenant. Puis bon, en 2016, c'est une belle démonstration dimanche que c'est difficile de retenir un secret maintenant en 2016. Après la transaction de Dubois qui a été annoncé, bon, on a su que justement Joey Ratel s'amenait avec les Sags, qu'il y avait potentiellement une autre transaction aussi avec les Wildcats de Moncton, mais ça sera confirmé seulement à partir du début de la transaction, la période des transactions dimanche prochain, 18 décembre. Les autres ont déboulé aussi les rumeurs sur Julien Gauthier avec les Sea Dogs de Saint-John. Après ça, Callum Booth hier qui est sorti la transaction des remparts jusqu'aux Sea Dogs de Saint-John. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant en 2016. Est-ce que c'est bon pour les jeunes? Je pense pas. Je pense que les performances des cinq derniers matchs à la maison des Sags, toutes les rumeurs entourant l'équipe, ils sont pour beaucoup. Vous me direz peut-être les joueurs sont pas forts mentalement. Peut-être, mais bon, c'est la réalité de 2016. C'est d'une jeunesse qui est différente, puis peut-être plus informée, plus capables d'aller chercher ces sources d'informations. Ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils ont des amis aussi, Snapchat, les textos. Ils se font appeler, ils se font parler par plusieurs personnes. Donc, ils entendent ces rumeurs-là aussi. Puis peut-être que ça explique peut-être les contre-performances des derniers matchs. Il y en a là-dedans aussi qu'il faut se donner de l'importance. Il y a des médias qui sont des médias, tu sais, qui disent j'ai des informations aussi, puis ça donne de l'importance aussi. Il faut en prendre. Ouais, Danny, ça a toujours été un petit peu comme ça, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ouais. Bombe le torse, tu sais, mon père est plus fort que le tien, ça remonte à très loin, là. La rivalité sur la glace et hors glace aussi. Tu sais, on n'a pas besoin de remonter ben loin. Dans la rivalité canadien-nordique, ça arrivait souvent que des journalistes qui en arrivaient au point dans ce temps-là, sur la galerie de presse, au forum, au Colisée de Québec. Maintenant, bon, c'est des débats d'idées sur les Twitter, sur les Facebook, puis ça amène l'information à voyager excessivement vite. Puis tu sais, tu peux pas en vouloir à des bonhommes comme Michael Lancette puis Stéphane Leroux. Ce sont les deux figures de proue dans le journalisme LHJMQ, là, un TVA Sport, un RDS. De se faire dire par leur boss des fois, regarde ton compétiteur direct, là, il y a eu une meilleure histoire que toi. La prochaine fois, c'est moi, je veux que ce soit toi qui la sorte. Puis bon, ben, ça doit arriver comme ça aussi. Fait que, tu sais, je peux pas, d'un côté comme de l'autre, il y a des bons, il y a des mauvais côtés. La Ligue de hockey junior majeur du Québec devra peut-être revoir leur façon de faire la période des transactions, mais on va laisser la LHJMQ décider de l'avenir de ce côté-là. Le début de la période des transactions est dimanche. Ça risque de bouger excessivement rapidement, d'avoir une grosse période morte entre Noël et Jour de l'An. Puis au début de 2017, on va avoir d'autres transactions qui vont sortir jusqu'à la fin de la période des transactions, qui est au lendemain de la finale de la médaille d'or du côté de Montréal. En espérant les Russes contre le Canada, Nicolas Roy, German Woodsoff, ça pourrait donner un bon spectacle. Ouais. Je veux te parler de deux affaires encore. Je veux te parler des 5 défaites à domicile. Moi, j'ai voyagé avec le président de l'équipe en fin de semaine, par pur hasard. Très gentil en passant. M'a dit une affaire, je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Puis, sans être découragé, on trouvait ça vraiment dommage. Hein, parce qu'on disait que ce serait l'occasion de créer un momentum, ce qui s'est passé. Mais ces transactions-là vont donner un autre boost au Saguenay suite à ces... suite à ces 5 défaites-là? Pas le choix. Puis, tu sais, la fatigue mentale, la fatigue physique, les Sags étaient sur une très grosse portion de leur calendrier présentement. Tu sais, même moi, je trouve ça difficile, là, présentement, ce qui arrive. Puis, je me défonce pas pendant 30 minutes sur la patinoire à me faire frapper puis à faire des lancers frappés sur les fils adverses. Tu sais, c'est mieux que le slump, le down arrive à ce moment-ci de l'année, que ça arrive en plein mois de mars, puis ça brise un peu le momentum à l'accession des séries. Tu sais, il est jamais trop tard pour bien faire dans la LHJMQ. Des saisons, ça se revire sur un 10-10. On l'a vu dans les deux dernières années avec les débuts de saison catastrophiques des Sags, puis la remontée spectaculaire par la suite. Là, on a une petite baisse de régime du côté des Saguenayens, mais comme tu l'as dit, les transactions, les nouvelles positives dans l'entourage des Sags, ça devrait leur donner de l'énergie. Je m'attends à avoir 3 bonnes performances là ce soir à Bécomo, vendredi du côté de Shawinigan et samedi avec la visite du Drakkar avant le congé des fêtes, là, qui va être bénéfique pour tout le monde dans l'entourage des Saguenay. OK. Je veux te parler d'équipe Canada junior. Mais tu sais, juste pour revenir, tu disais découragement. J'étais découragé avec les deux performances de la fin de semaine contre les Vultures de Drummondville. Dimanche, on a essayé, mais on a mal essayé du côté des Sags. Puis il y a eu quelques décisions douteuses de nos amis officiels. Ça a été un match extrêmement difficile pour plusieurs sur la patinoire dans le match de samedi contre Drummond. Puis bon, on va se revirer de bord, puis on va essayer que ça va mieux se passer sur la route ce soir et dans les deux autres matchs cette semaine. OK. Je veux te parler d'équipe Canada junior maintenant. Victor Mété a été